Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Protestante pour ce 16e épisode de la mécanique des ondes. Le concept très simple, toujours le même, trois quarts d'heure pour parler carrière radiophonique avec ceux qui sont devant et derrière le micro. Aujourd'hui avec nous en studio, quelqu'un, une voix qui reçoit les politiques en même temps, tous les matins, à la radio et à la télévision, sur RMC et BFM TV. En studio donc avec nous, Jean-Jacques Bourdin, bonjour. Bonjour. Alors, question traditionnelle pour commencer cette émission. Oui. Vous êtes au micro d'une radio associative, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ? Non. Non, absolument pas, parce que je n'ai pas commencé par la radio associative, même si il m'est arrivé d'écouter des radios associatives plus jeunes, mais je n'ai jamais travaillé. Non, je suis arrivé par hasard, vraiment totalement par hasard à la radio, donc je n'ai aucun passé en dehors de... J'ai travaillé pour deux radios simplement, RTL et RMC, donc j'ai un parcours à la fois très long et finalement peu varié. Alors, vous avez passé un bac littéraire, tout d'abord. Oui, un vague bac littéraire, oui. Et ensuite, j'ai alors... J'ai dit vague parce que j'étais absolument nullissime au lycée. Enfin, je ne dis pas que j'étais nul, c'est que les études ne m'intéressaient absolument pas. J'étais totalement insouciant. Et ensuite, j'ai essayé de suivre des études, mais elles allaient trop vite pour moi. Je dois dire que je ne me suis pas intéressé. J'ai fait du droit par hasard parce que mon père m'avait un peu poussé, mais je ne me suis pas tellement intéressé aux études de droit. J'étais préoccupé par toute autre chose, l'amour de la vie, le plaisir de la vie. J'étais, je vous dis, d'une insouciance terrible. D'accord. Donc même à 18, 19, 20 ans, j'étais parfaitement insouciant. D'accord, et vous n'aviez et pas j'ai de fait tout mille, tout. Mille choses. Mais mille choses, sauf des études. Alors, vous avez fait quoi ? Mes études ont duré à peine 2 ans. 2 ans d'échec, donc je me suis aperçu très vite que je n'étais pas fait pour le droit et je me suis mis aux cartes. Je jouais aux cartes beaucoup. Je suis devenu joueur de cartes professionnel même, je dois le dire, de poker. Et pendant 2-3 ans de ma vie, j'ai vécu comme ça, en jouant beaucoup, en passant des nuits à jouer. Et je me suis un peu désocialisé d'ailleurs. Et au bout de 2-3 ans, je me suis quand même aperçu que ça ne menait pas à grand-chose. J'ai arrêté et j'ai commencé, comme je n'avais absolument aucun diplôme, si ce n'est le bac, j'ai commencé par de multiples métiers. J'ai été chauffeur-livreur, j'ai été garçon de café, j'ai vendu de l'assurance au porte-à-porte, j'ai été VRP, Vous avez parcouru la France ? Pas parcouru la France, mais j'ai parcouru plusieurs départements de la France, oui. Oui, oui, oui, j'ai beaucoup roulé avec ma voiture tout seul. Oui, oui, j'allais visiter mes clients. Alors, il y a quelqu'un que vous rencontrez par hasard, il me semble qu'il s'appelle Raymond Castan. Raymond Castan, qui était à l'époque, qui est décédé aujourd'hui, qui est l'homme qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est un homme que j'ai rencontré totalement par hasard, puisque j'avais une relation affective à l'époque avec sa nièce, qui était mon amie, et lui dirigeait l'antenne d'RTL. Et ça s'est produit chez moi, dans ma région d'origine, dans les Cévennes. Et là, au cours d'un déjeuner, nous avons parlé de sport, parce que j'étais passionné par le sport. Nous avons parlé de sport et on a fait un petit pari. Il a perdu son pari sur un coureur cycliste. Il a perdu son pari. Et à la fin du déjeuner, il m'a dit, écoutez, je vois que vous êtes passionné, vous avez une bonne voix. Donc, pourquoi pas, si vous aimeriez faire de la radio ? Au sport, j'ai dit, ça serait mon rêve, oui. Mais je n'ai jamais fait ça. Mais ça fait rien. Un jour, je vous ferai peut-être signe. Et puis, 6 mois ont passé, plus rien. Et un samedi, il m'a appelé. Et il m'a dit, c'était fin juin, il m'a dit, lundi, c'était le 1er juillet, le lundi, il faudrait que vous soyez à Paris. J'ai un stage pour vous. Donc, j'ai tout plaqué en 2 jours. J'avais un boulot à l'époque, je travaillais pour un catalogue de vente par correspondance. J'étais inspecteur commercial. Ils ont été formidables, ils m'ont laissé partir. J'ai tout plaqué, j'ai vendu ma voiture dans le week-end, j'ai mis mon argent dans la poche, j'ai pris le train et je suis arrivé à Paris. Alors, vous êtes quand même à l'antenne d'RTL à l'époque? Vous ah n'avez oui, oui. J'ai commencé stress. Comme stagiaire, hein. J'ai commencé comme stagiaire au sport. Vous étiez à l'antenne ou vous êtes venu à l'antenne tout de suite? Au début, pas tout de suite, non. J'ai commencé, j'ai appris. Je ne savais strictement rien. Je n'avais jamais fait de radio. Et donc j'ai appris au service des sports. Et au bout de 15 jours, je suis allé faire mon premier petit reportage en allant interroger. Je me souviens les joueurs du Paris Saint-Germain qui venaient de, le club venait de monter en première division et donc j'ai été l'un des, à l'origine, j'ai connu l'origine de ce club. Et donc, j'ai fait ce premier petit reportage, je me souviens, à Évian. Et je me suis dit, j'étais logé dans un très bel hôtel, je me suis dit, mais quel métier merveilleux et tout, finalement. Et puis, j'ai vu après que c'était beaucoup plus difficile que ça et qu'il fallait beaucoup travailler pour y arriver. Vous avez commencé par un stage, mais à un moment, on vous demande de rester. Oui, mais à l'époque, les stages, on les multipliait, vous savez. On faisait un stage, puis deux, puis trois, puis je quatre. Crois que c'est toujours le cas. C'est toujours le cas, oui. Ça dépend. D'abord, aujourd'hui, quand même, ça va un petit peu plus vite. Mais à l'époque, on pouvait rester en stage 2 ans. Hein. Ça, sans aucun problème. Et là, je suis resté, moi, 14 mois, je crois, en stage. J'essayais de tout faire pour, évidemment, être embauché. Je me suis battu. Je travaillais comme un fou, j'étais sans arrêt fourré à la rédaction, je ne faisais que ça, d'ailleurs je n'avais que cette vie à Paris parce que je connaissais personne. Et donc voilà, et puis au bout de 14 mois on m'a embauché. Toujours au service des sports? Toujours au service des sports, à RTL, et là je suis resté quoi, 7 ans au sport, où j'ai couvert tous les grands événements sportifs, Jeux Olympiques, 6 Tours de France, la Coupe du Monde de football, enfin bon... Tout ce qu'on peut couvrir quand on est journaliste sportif. Et au bout de 7 ans, alors, vous changez de service, vous changez de spécialité ? Au bout de 7 ans, on m'a fait des propositions télé, à l'époque, pour aller commenter le rugby. Oh, non pas que j'avais des compétences particulières pour le rugby, mais parce que j'avais un peu d'accent. J'en ai encore une pointe aujourd'hui, mais je l'avais plus à l'époque. Et donc, on estimait que quand on avait un accent du midi, on était voué à faire... à commenter le rugby. Bon, et puis c'était Robert Chapat à l'époque qui est décédé aussi, qui dirigeait le service des sports de France 2, qui m'avait proposé cette place. Et puis Raymond Castan, qui était toujours en place, m'a dit mais écoute, parce qu'il m'avait gardé un peu sous son aile, il m'a dit écoute, la télévision c'est bien, mais je pense que tu peux faire à la radio quelque chose de bien, donc je vais te faire quitter les sports et je vais te confier le journal de 8 heures. Et le journal de 8 heures, à l'époque, sur RTL, c'était le journal le plus écouté de France. C'était un énorme challenge qu'il m'a proposé. Et j'ai accepté, mais encore avec beaucoup d'insouciance. Finalement, c'est l'insouciance qui m'a beaucoup fait avancer dans la vie. Et donc, j'ai accepté le journal de 8 heures. Je me souviens, j'avais sur Europe 1 face à moi Guillaume Durand. C'était amusant parce qu'on était rivaux. On avait à peu près le même âge, on était rivaux. Et puis voilà, c'était la guerre entre RTL et Europe 1. C'était les deux premières radios de France, les deux plus fortes. Et c'était un mois, eux, qui étaient devant. Le mois d'après, c'était nous. Et donc voilà, donc j'ai passé là quelques années à la présentation du journal de 8 heures. Et puis ensuite, j'ai présenté tous les grands journaux d'RTL, 7h, 7h30, 8h, le journal inattendu le week-end, à 13h, j'ai présenté... Voilà, j'ai une longue carrière de présentateur. Oui, vous êtes passé du coup à l'actualité sans aucun problème. À l'actualité en général, sans aucun problème, oui. Mais je dois dire que la pratique sportive en radio m'a beaucoup aidé parce que ça m'a appris l'improvisation, ça m'a appris la précision, ça m'a appris... aller au fait, ça m'a appris. Et puis j'ai vécu de belles histoires d'hommes aussi quand j'étais au sport. J'ai eu pas mal d'amis dans ce milieu, dans ce métier. Et donc voilà, donc j'ai aimé cette période, mais il fallait que je quitte. Je voulais pas me spécialiser, m'enfermer. Ça va être le moment de la première pause musicale, Jean-Jacques Bourdin. Alors, vous avez choisi quoi ? J'ai longuement hésité parce que la musique, j'écoute beaucoup de musique classique, pour tout vous dire. C'est ma musique préférée. Sinon, c'est au hasard. Au hasard. Il peut m'arriver d'écouter, mais beaucoup de jazz, peut m'arriver. Là, j'ai choisi deux musiques ce matin, Mendelssohn et Van Morrison, qui n'ont rien à voir. Van Morrison, parce que c'est un homme qui a révolté un peu, donc j'aime bien la révolte. Alors, je sais pas, on peut commencer. Eh ben, comme on peut commencer par Van Morrison. Allez, on y va. Half a mile from the county fair, and the rain came pouring down. Me and Billy standing there with a silver half a crown. Had the full of a fishing rod and the tackle on our backs. We just stood there getting wet with our backs against the fence. Hope it don't rain all day. And it stung me to my soul. Stung me just like Jelly Roll. And it stung me. And it stung me to my soul. Stung me just like going home. And it stung. And the rain let up and the sun came up and we were getting dry. Almost let a pickup truck nearly pass us by. So he jumped right in the driver grin, and he dropped us up the road. And we looked at the swim and we jumped right in at the mansion fishing poles. Oh, the water. Yeah, that stung me to my soul. Stung me just like Jelly Roll. Yeah, that stung me. Yeah, that stung me to my soul. Stung me just like going home. Yeah, that stung. Van Morrison, c'est le choix de la première pause musicale de Jean-Jacques Bourdin. Vous adorez. Oui, mais j'adore. Oui. Mais elle est extrêmement longue, on ne peut pas tout passer. Mais non. On est dans l'ambiance quand même. Alors Jean-Jacques Bourdin, oui. C'est en 2001, si je ne me trompe pas, que vous quittez RTL. Oui. Pourquoi ? Non, c'est en 2000 que j'ai quitté RTL. J'ai quitté RTL en fin septembre 2000. Et pourquoi ? Pourquoi ? Ben parce que après 25 ans de maison, j'ai tout fait vraiment. J'ai fini en présentant le journal de 13h et les auditeurs ont la parole, que j'ai relancé. Pourquoi ? Parce que je ne m'entendais plus avec la direction de l'époque. Et comme j'ai un caractère assez indépendant, je suis parti, tout simplement. J'ai dit, j'ai fermé mon bureau entre midi et 2h un jour, puis j'ai tout abandonné, mes indemnités, tout, je suis parti. J'ai quitté RTL. Parce que je ne pouvais plus travailler dans une ambiance qui ne me plaisait pas. Et je sais pas, c'est une liberté que je me suis accordée, qui était risquée, parce que tout le monde, tous mes amis m'ont dit à l'époque, mais tu es totalement fou, qu'est-ce que tu fais ? Tu es bien, tu es bien payé, tu es dans la première radio de France, mais quand vous n'êtes plus en phase et que moralement ça devenait difficile de travailler avec cette équipe-là, donc voilà, je suis parti. Et justement, alors à la fin de cette période RTL, vous commenciez donc à parler avec les auditeurs dans les émissions. Bien sûr, non, comment non, mais vous bien y sûr. Étiez arrivé donc à présenter cette émission ? Eh bien, je vais vous dire, je présentais le journal de 13h et Anne-Marie Pesson, qui est décédée il y a peu, et Alain Cros, son compagnon, présentaient les auditeurs ont la parole. Et Anne-Marie et Alain ont arrêté et on m'a demandé de m'en occuper. Après le journal. Et donc, je faisais le journal et ensuite, j'enchaînais avec les auditeurs en la parole. J'ai vraiment bien développé. C'est une émission à laquelle RTL ne croyait pas beaucoup au départ. C'est un concept qui vient des États-Unis, et Talk Radio. Et puis finalement, il s'est avéré que c'était dans l'air du temps. Et finalement, ça a été très critiqué au départ. Mais finalement, tout le monde s'y est mis. Toutes les radios s'y sont mises. Et puis ensuite, il y a eu les réseaux sociaux qui ont favorisé ce droit à la parole, cette envie de s'exprimer publiquement. Ouais, on y reviendra du coup plus tard avec toute votre relation avec les auditeurs. Donc, fin 2000, vous quittez RTL. Oui. Vous avez des plans pour après ? Rien. Strictement aucun plan. Non, je suis parti comme ça. Strictement aucun plan. Et d'ailleurs, on m'a fait quelques propositions professionnelles, mais qui ne me plaisaient pas beaucoup. Donc, je me suis retrouvé au chômage. Et puis voilà, ça peut arriver à n'importe qui. Mais j'étais confiant. Je suis toujours de naturel assez optimiste. Et puis je suis tombé par hasard. En fait, j'allais quitter ce milieu, quitter le journalisme, quitter la radio, je me dirigeais vers un club de football qui est cher à mon cœur, qui s'appelle Nîmes Olympique et dont je devais devenir le président, le directeur général en fait, qui venait d'être racheté. Et puis c'est à ce moment-là que Alain Weill, qui venait de racheter RMC, m'a appelé en me disant, voilà, j'ai besoin d'un professionnel le matin qui reprenne toute l'antenne parce que je viens de racheter, on est au point zéro et il faut qu'on construise quelque chose. Donc nous avons longuement discuté et nous sommes tombés d'accord, tous les deux. Mêmes objectifs, mêmes idées sur la manière de concevoir la radio, même volonté d'interactivité, même souci de bien servir l'auditeur. Donc nous sommes tombés d'accord après 3 heures de discussion en tête à tête, et j'ai dit banco et je suis parti à Monaco. Je suis allé m'installer à Monaco où j'ai repris l'antenne, et là on a fait décoller cette radio qui ne marchait plus du tout. On lui a rendu un peu un savoir-faire, une identité, un concept. Et finalement, au bout de 6 mois, on a tout remonté à Paris, on a fermé Monaco, et on a développé RMC, et on a développé le groupe. Nous étions, 90 à l'époque, et nous sommes 1100 aujourd'hui. Oui, c'était un grand, grand défi, toute la matinale à repenser. Alors, du coup, par rapport à votre expérience d'RTL, qu'est-ce que vous amenez à RMC ? Je m'étais juré de ne plus jamais faire de radio le matin, de ne plus me lever tôt. Et puis, je suis retombé parce que j'ai quand même la passion du micro. La passion de cette expression publique, cette chance merveilleuse. J'aime la radio plus que la télévision, même si je fais de la télévision tous les jours, mais j'aime la radio parce qu'il n'y a aucun obstacle entre l'auditeur et vous, parce que cette proximité, cette intimité est permanente et on la sent, hein, c'est perceptible à tout moment. Donc j'aime la radio et j'ai eu envie, on a eu envie, on a tout remonté, on a tout reconstruit. Et voilà quoi. Et puis voilà. Donc ça fait ça depuis, a bien marché. Oui, ça fait depuis depuis que vous animez donc Bourdin voilà. et Bourdin Exactement, direct. Exactement. Changer d'horreur un petit peu, changer de format, mais à peu près toujours la même idée directrice. Toujours avec votre ton absolument donc unique par rapport unique, je sais pas, mon ton qui m'appartient, mon ton, unique, je sais pas, j'ai pas de leçon à donner, mais je suis comme je suis dans la vie. Oui, vous à avez la radio. Et vous avez aussi une spécificité qui fait qu'on vous reconnaît à l'antenne, une originalité. Peut-être, j'ai un caractère, oui, ça c'est sûr. En 2007, vous rejoignez BFM TV, donc là... C'est-à-dire que je rejoins... C'est-à-dire qu'on a créé BFM TV à partir du succès d'RMC, et je rejoins parce que c'est dans le groupe. Donc on m'a demandé de faire en sorte que l'interview du matin sur RMC soit aussi diffusée à la télévision, sur BFM TV, voilà. Et au début, vous dites oui ou... Au début, j'hésite, parce que je me dis... Ça sera pas pareil, je vais pas être le même, je vais aller m'installer dans un studio télé, ça va être différent. J'hésite un peu, et puis par souci collectif, et puis parce que c'est dans le groupe, et puis parce que cette chaîne de télévision BFM TV doit progresser à l'époque, j'y vais. J'accepte. C'est assez unique. Enfin, de toute façon, c'est unique dans le paysage audiovisuel français. Je fais deux chaînes de télévision et une radio tous les matins. C'est unique, oui. C'est unique. On fait RMC Découverte sur le canal 24 de la TNT. On fait radio et télévision en même temps, ce qui est unique. D'ailleurs, sur RMC Découverte, les audiences sont Les audiences progressent régulièrement, oui, vraiment régulièrement. Et sur les matinales télé, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, mais je désespère pas de devenir un jour peut-être derrière France 2, qui est parce que c'est une vieille tradition, tout. Mais bon, je désespère pas un jour de devenir la première matinale télé sur RMC Découverte. Alors, effectivement, en 2007 également, vous faites toute la présidentielle, vous recevez tous les candidats. Oui. Alors, est-ce que ça, c'était une première expérience dans votre carrière ou ça vous était déjà arrivé par le passé? Non, mais totalement. Enfin, j'avais interviewé des politiques auparavant, mais c'est la première fois que je prends en main une interview politique, vraiment. Et je n'ai aucun passé de journaliste politique. Donc je suis détaché de toute accointance ou de toute proximité avec le monde politique. Ce qui m'a donné cette grande liberté de ton et cette grande liberté de parole. En fait, ça vient peut-être d'une personnalité, mais ça vient surtout d'un passé qui n'existait pas. Moi, je n'ai jamais fréquenté le monde politique, donc c'était pour moi plus facile. Vous le fréquentez maintenant ? Absolument pas, toujours pas, non, absolument pas, non. J'ai tellement de choses à faire, plus j'en ai pas envie. Je n'en ai pas envie, tout simplement. Donc je ne le fréquente pas. Et ça m'a donné cette liberté de ton, d'essayer d'interviewer un homme politique comme je pourrais interviewer un sportif, un scientifique ou un médecin, ou je ne sais pas, moi. Donc effectivement, en 2007, vous recevez tous les candidats. Donc je reçois tous les candidats à la présidentielle, oui. Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy... je ne sais plus qui était candidat, mais il y en avait beaucoup. Et vous co-présentez le duel Royal Sarkozy donc sur BFM TV, c'était en direct. Non, c'était Royal Bayrou. C'était Royal Bayrou entre les deux tours de la présidentielle qui a fait un face-à-face qui a fait énormément de bruit, dont on a beaucoup parlé parce que c'était la première fois dans l'histoire électorale française que le troisième affrontait le second entre les deux tours. Alors ça a provoqué des débats, ça a donné lieu à des pressions, il a fallu résister à tout ça, mais bon, justement Alain, ce qu'il y a de formidable avec Alain, c'est que là on est en phase, peu importe, à partir du moment où il s'agit de faire notre métier, peu importe. Tous les matins, c'est vrai que vous faites donc cette interview politique d'une personnalité politique sur BFM TV en direct. Et c'est vrai que souvent, vous êtes quand même un petit peu critiqué sur les autres chaînes. Et c'est vrai que, bon, assez régulièrement. Comment vous la prenez, cette critique ? Ben, chacun a le droit de critiquer. Ça ne vous affecte pas ? Ah non, j'avance. Non, j'avance. Ça m'affecte pas. Je comprends les critiques. Je peux les accepter. Parfois, elles sont injustes, parfois justes. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Heureusement qu'on est critiqué. Moi, je trouve ça bien. J'ai des auditeurs aussi parfois qui critiquent, que je mets à l'antenne, qui n'aiment pas ce que je fais, qui me prennent à partie. Et on les met à l'antenne. Pourquoi pas ? Chacun a le droit de ne pas aimer. Chacun a le droit d'aimer. Donc voilà, ça ne m'affecte absolument pas. Donc, sauf quand c'est un peu injuste, parfois, bon. Mais sinon, bon. Ou quand c'est... La seule chose, finalement, qui m'a affecté, c'est quand on m'a accusé de favoriser le Front National. Ça, c'est une opération de dénigrement plutôt industriel de la part d'Europe 1, en disant qu'on invitait sans arrêt les dirigeants du Front National, ce qui est faux d'ailleurs, parce qu'Europe 1 les invite plus que nous, le CSA a fait les décomptes, on a demandé au CSA de faire des décomptes, et on s'est aperçu qu'on recevait beaucoup moins le Front National qu'Europe 1, mais moi, quand on connaît mon passé, et c'est ça m'a touché, parce que j'ai été élevé, je dis pas ça parce que je suis ici sur une radio qui s'appelle Fréquence Protestante, mais j'ai été élevé dans le protestantisme, dans mes Cévennes, et on m'a appris, le protestantisme m'a appris au moins une chose, chose, même si aujourd'hui je ne suis pas pratiquant. Mais au moins, m'a appris une chose, c'est la tolérance. Et donc, m'accuser d'être proche du Front National, c'était... Non, simplement, vous savez, quand vous avez un franc-parler, une parole assez libre, on vous accuse tout de suite. Et puis, nous vivons dans un monde où l'on a besoin de cataloguer, on a besoin d'étiqueter les uns et les autres, de les glisser dans des tiroirs, et puis ensuite, on ouvre des tiroirs. Ça, c'est la pensée un peu facile. Et c'est la pensée facile. Bon, c'est pas très grave. Vous parliez des auditeurs, c'est quand même une grosse partie de votre matinale, donc c'est entre 9h et 10h. Oui, une heure sur quatre. Oui. Et c'est important pour vous, parce que finalement... C'est important parce que ça conclut la matinale, oui, c'est important. C'est important parce que j'apprends aussi. L'auditeur apprend à l'auditeur, et j'apprends tous les jours. En fonction, vous savez, on a l'auditeur qui transmet l'opinion, son opinion, qui veut débattre sur un sujet, puis vous avez l'auditeur aussi qui nous fait partager une expérience, ce qu'il a vécu, ce qu'il vit. Tout ça c'est à mon sens utile. Et puis vous avez des auditeurs qui apportent des solutions, qui apportent des idées, qui font avancer les choses. Ça, c'est indispensable aussi. C'est un échange. Un échange, je dirais, aujourd'hui c'est la mode, hein. On échange sa voiture, on échange son appartement, on échange tout. C'est du covoiturage radiophonique, quoi, en quelque sorte. On s'embarque dans l'émission ensemble, et voilà. Puis on fait ce voyage ensemble pendant une heure. Et ça vous permet de prendre d'avoir un petit peu une carte de France, de savoir un peu ce qui se passe en France, tous ces auditeurs. Ça me permet, oui, parce qu'on a des auditeurs. Alors là, c'est ce qu'il y a de formidable, qui appelle vraiment de toute la France, hein. Vraiment, franchement, et même de l'étranger, on reçoit beaucoup de mails, et de l'étranger, ils peuvent pas appeler, mais on les rappelle, et une carte, puis ça nous permet de sentir un peu de sentir la situation du pays, et l'état de notre société, oui, c'est évident. Alors, deuxième pause musicale, Jean-Jacques Bourdin, on va respirer un petit peu. Vous avez choisi, il faut passer Mendelssohn maintenant. Oui, Mendelssohn, qui est un de mes musiciens préférés, oui. Thank you. La deuxième pause musicale de Jean-Jacques Bourdin. Mendelssohn, j'adore Mendelssohn, mais j'adore les concertos. C'est très reposant. Ça, mais pas toujours, hein, Mendelssohn, pas toujours, mais c'est un grand musicien. La mécanique des ondes. L'invité pose une question à l'invité suivant. Voici la question de Georges Lang. Jean-Jacques, te parler me semble incroyable parce que on a travaillé dans la même radio, mais on ne se voit plus malheureusement. Et j'ai envie de te poser une question parce que je te regarde, je t'écoute et je te dis bravo pour cette fabuleuse notoriété. J'aimerais que tu me dises comment tu fais pour avoir l'air toujours aussi jeune, parce que tu n'as pas un seul cheveu blanc, et ça me contrarie beaucoup. Alors réponds-moi franchement. Georges Lang, c'est une voix qui a bercé, mais qui n'a pas écouté un jour Georges Lang, la voix de Georges Lang dans la nuit. C'est une voix mythique, c'est une voix que j'ai toujours enviée. Il y a une voix, la plus belle voix, là, il n'y a rien à dire, c'est la plus belle voix de la radio, la voix de Georges Lang. Il est très gentil, hein. Il est très gentil, parce qu'on ne s'est pas vu depuis bien longtemps, mais la télévision cache les cheveux blancs. Mais s'il me voyait, il verrait qu'il y en a quelques-uns qui sortent. Mais je ne sais pas, je suis encore en forme. J'essaie de me maintenir en forme, sans rien faire d'extraordinaire. J'ai la chance d'avoir peut-être une nature qui me préserve. Je fais attention un peu, mais pas trop. Je vis. Je pense que la radio me tient en forme. Oui, et la télévision. Ouais. Une matinale tous les matins, c'est quand même J'ai cette chance inouïe de ne jamais avoir de stress. Je ne sais pas ce que c'est que le stress. Donc j'arrive, je vais à l'antenne comme si j'y vais avec passion. Mais c'est, pour moi, c'est d'un naturel absolu d'être devant un micro. Quelle est votre Donc, recette quel que soit mon interlocuteur, hein, que ce soit le président de la République ou je sais pas moi, Georges qui m'appelle du Var et qui est au volant de son camion, c'est pour moi pareil. Donc ma recette, je pense que le premier secret est là. C'est-à-dire que je ne connais pas le stress. Vous avez de la chance. Oui, peut-être. Je ne sais pas, oui. Bon, Jean-Jacques Bourdin, on passe au questionnaire rapide. Mmh. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ? La radio que j'écoutais ? Oui. RMC. À l'époque, je me souviens. J'écoutais la musique. J'étais toujours aussi insouciant. Le coude à la portière. Et puis j'écoutais la musique. La musique, oui. Quelle radio vous réveille le matin ? Aucune. Quelle radio vous... Aucune. J'écoute un peu France Info dans ma voiture, en roulant, en venant au bureau, mais c'est tout. Quelle radio vous endort le soir ? Aucune. Je n'écoute jamais la radio, pratiquement jamais. Simplement quand je suis en voiture, je n'écoute la radio qu'en voiture, jamais chez moi. J'écoute en voiture, pour tout vous dire, j'écoute deux radios, trois radios. Mais principalement Jean-Jacques deux Bourdin, radios. Vous savez, j'ai des questions en fait après. Bon, alors très vite. Faut pas répondre à toutes les questions. J'écoute France Culture et j'écoute TSF Jazz. Bon, alors un endroit où vous écoutez toujours la radio, la voiture, donc. Oui. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais. Chez moi, jamais. Alors, un seul meilleur souvenir de radio, si vous n'en avez qu'un seul à retenir. Les meilleurs souvenirs ? Ouais. Les meilleurs, j'en ai pas un. Les meilleurs souvenirs, c'est quand je mets un homme politique en difficulté. Ça me procure un plaisir, un véritable plaisir. Ah oui, non, vraiment. Quand vous le coincez sur une question. Quand je sens qu'il est déstabilisé. Oui, ça, j'adore ça. Un pire souvenir, hein, vraiment un mauvais souvenir de radio. J'en ai beaucoup, hein. Vraiment le pire souvenir, qui me hante et qui est devenu un cauchemar. Il m'est arrivé, je présentais le journal de 13h, il m'est arrivé à 2 minutes, à l'époque... Je me souviens, il n'y avait pas d'ordinateur. Le journal était tapé à la machine. Et au moment de sortir le journal de la machine, les pages se déchirent et tout. Plus de journal. On a été obligé de photocopier ce qu'on avait écrit par ailleurs. Enfin, bon. Et je suis arrivé à l'antenne en courant, au moment où le jingle est parti. Et là, j'ai tellement couru que j'étais essoufflé. Incapable de dire un mot. Et ça, c'est effroyable. Plus j'essayais de respirer, mon cœur s'emballait, et moins je pouvais parler. Et j'étais quand même à la tête du journal de 13h à RTL, gros journal, Ah, ça a été un cauchemar, vous n'imaginez pas. Ah, vous n'imaginez pas. Et vous avez tout fait par la suite pour ne pas le reproduire. J'ai essayé. Oui, après c'est fini. Ça ne m'arrivera plus jamais, ça. Je peux vous dire, plus jamais. Un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio ? Être lui-même. Parler à la radio comme il parle dans la vie. Ne pas essayer d'interpréter un texte, ne pas essayer de lui donner. Être le plus naturel possible. Parler, oui, le plus naturel. Là, je suis avec vous comme je parlerai à l'antenne, exact. Enfin, je suis à l'antenne, mais de la même manière. Ni plus ni moins. Si j'ai envie d'exprimer une colère, j'exprimerai une colère. Si j'ai envie d'exprimer tout à coup un plaisir, j'exprimerai un plaisir. Voilà. C'est être naturel. Alors, est-ce qu'il y a un de vos concurrents ? Non, je vais reformuler ma question, ça ne va pas. Quel concurrent de la matinale préférez-vous ? Non, je n'ai pas de concurrent. J'ai d'autres journalistes qui font concurrent pour l'audience, vous voulez dire. Vous voulez que je vous dise sincèrement, comment voulez-vous que je réponde alors que je n'écoute jamais ce que font les autres ? Absolument. Vous écoutez bien des extraits. Mais jamais. Je n'écoute jamais ce que font les autres. Je n'écoute jamais ce que j'ai fait. Je ne me regarde jamais. Et je ne regarde jamais la télévision. Donc, vous savez, je suis préservé de tout ça. Vous vivez dans la bulle RMC ? Non, je vis. Non, je vis pas dans la bulle RMC. Je fais mon boulot. Je prépare ce que j'ai à faire pour le lendemain. Et c'est tout. Chez moi, je travaille le soir pour mon interview, je travaille sur Internet, je travaille sur les journaux, mais jamais je ne regarde un journal de 20h, jamais je ne regarde une émission de télévision. Donc vous ne surveillez pas un match parfois ou une série, à la limite, mais une série que j'ai achetée en DVD. Pas que je regarde, hein. Non, c'est tout. D'accord, donc vous ne prenez même pas d'inspiration de Maillard. Non, aucune inspiration. Non, je veux pas d'inspiration de personne. Non, je suis moi-même. Et puis après, on aime ou on n'aime pas. Bien sûr. Chacun. Je crois qu'il faut être... J'essaie d'être honnête avec moi-même, ce qui est déjà difficile. Alors voilà. J'essaie de faire mon métier comme je l'aime. Jean-Jacques Bourdin, la saison se termine. Vous nous confirmez que vous êtes toujours sur RMC à la rentrée ? Bien sûr. Non, mais je ne peux plus partir d'RMC, de BFM TV, du groupe. D'abord, à mon âge, on ne part plus. Et ensuite, je ne veux pas partir parce que je n'ai pas fini totalement ce que je voudrais faire dans ce groupe. On a lancé RMC, c'est un succès. On a lancé BFM TV, c'est un succès. Maintenant, on est en train de développer RMC Découverte. Je veux que ça soit un succès aussi. Et puis après, je m'arrêterai. Un jour, je m'arrêterai. Oui. Je ferai peut-être un peu de radio encore, mais comme ça. Petite interview par-ci, par-là, mais c'est tout. D'accord. Bah, écoutez, Jean-Jacques Bourdin, merci peut-être beaucoup. Peut-être que je serai à votre place mais un jour. Mais c'est vrai. C'est moi qui vous poserai des questions. Bien sûr. Moi qui vous poserai des questions. Vous serez devenu une star, et moi, je serai là, mais je serai très bien, je peux vous dire. Mais je vous inviterai, mais évidemment, je vous inviterai. Pas sûr que... Peut-être vous me direz, mais non, j'ai pas le temps. Vous ne répondrez pas à mes coups de téléphone. Ça peut arriver, ça, vous savez, dans la vie. Hein. C'est vrai, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Jean-Jacques Bourdin, merci beaucoup pour cette dernière mécanique des ondes de la saison. Merci beaucoup à vous. Merci, je suis content d'être le dernier. Voilà, bah oui, mais vous allez... voilà, vous un jour de fête nationale. Exactement. Donc voilà. Nous sommes le 14 juillet, en effet. Merci beaucoup. Merci toutes à les vous. Émissions, vous les retrouvez sur le www.lamecaniquedesondes.com et fréquenceprotestante.com également. Merci à vous. Très bon après-midi sur Fréquence Protestante.